mise à jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Liste des Boues un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Liste des Boues l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce mardi dont voici le sommaire. La diminution du taux de chômage au sein des jeunes lauréats des universités serait une des préoccupations des élus des prochaines élections, comme le souhaitent certains étudiants de l'université des Grands Lacs en mairie de Bujumbura. Et dans la succession de présentation des profils de 6 candidats présidentiels validés par la Commission nationale électorale indépendante, c'est le tour d'Agathe Rwasa. Ce mardi, l'école française de Bujumbura a fermé ses portes pour question de se protéger contre le coronavirus. Les responsables de la dite école signalent qu'à l'origine serait l'enseignante de cette école venue du Rwanda, soupçonnée d'être infectée par ce virus. Au cours de ce journal, vous allez suivre la chronique santé sur la maladie de glaucome. Voilà pour les titres. Vestine Boutoué suit à la présentation de ce journal. Eric Kadog assure la mise en onde. Bienvenue encore une fois. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Rebonjour, les bénéficiaires des fonds via le transfert instantané dont Western Union et MoneyGram les recevront en monnaie locale. La mesure a été prise par la Banque de la République du Burundi ce lundi. Dans une conférence de presse, Prosper Ngendanganya, en charge de la supervision des banques, a toutefois souligné que la décision ne concerne pas les comptes des personnes physiques qui peuvent être mouvementés en devises, suivez-le. Par transfert instantané d'argent, il faut comprendre les services tels que Western Union et MoneyGram. Nous voudrions ici donc rassurer le public que les dispositions de la nouvelle réglementation de change édictée en septembre 2019 sont maintenues, c'est-à-dire que les comptes en devise des personnes physiques peuvent être librement mouvementés, c'est-à-dire que tout détenteur de compte en devise dans les banques commerciales peut verser et retirer ses devises le lendemain. La mesure mise en place par la Banque centrale, elle vise à tenir compte non seulement donc des mesures édictées récemment par la Banque centrale d'ouvrir les bureaux de change dans les banques commerciales. Ainsi, maintenant donc, comme il n'y a plus donc de bureaux de change donc en dehors des banques commerciales, la Banque centrale a jugé qu'il n'est pas opportun de pouvoir laisser donc les bénéficiaires de ces fonds qui ont été envoyés via les services instantanés d'argent pouvoir retirer les devises, quitte à pouvoir les changer en dehors des banques commerciales, alors que toutes les opérations de change sont désormais exécutées dans les banques commerciales. Concernant les commerçants qui crient au manque de certaines monnaies régionales comme les shillings, Prosper Ngendanganya a indiqué que la BRB se penche déjà à la question pour essayer de dégager une solution. Les administratifs de la mairie de Bujumbura se plaignent du taux des jeunes qui consomment de la drogue. Dans la réunion de sécurité de ce lundi, ces administratifs ont soulevé leurs inquiétudes quant au point de vente de ces stupéfiants. Freddy Mbonima demande une communication permanente entre la police et le comité mixte de sécurité pour repérer ces endroits. Yvette Nijimbele. Certains des quartiers du nord de la mairie de Bujumbura ont été cités comme des lieux où fréquentent les usagers de la drogue. Le lieu communément appelé Centre Jeune, Siza Jabé, fait partie des endroits cités par ces administratifs qui soulignent que la consommation de la drogue fait rage dans ces quartiers. Il se pose toutefois la question de savoir comment identifier les points de vente de la drogue pour s'attaquer aux vrais problèmes. Ces enfants qui consomment de la drogue sont vraiment mineurs, qui méritent une éducation de base. Moi, mes enfants sont à l'école, de même que vous. Nous ne savons pas qui ils vont rencontrer. Ces drogues leur sont données par des gens puissants. Nous ne savons pas où passent ces stupéfiants. Nous vous demandons, monsieur le maire, d'éradiquer ce phénomène. Le commissaire Magoga, quant à lui, la principale au comportement de certains habitants de ces quartiers, les accusant de ne pas faciliter la communication. En réalité, ces drogues sont achetées dans vos quartiers. Et ils le savent, personne ne m'a appelé pour me dire qu'il y a de la drogue chez une telle personne. Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, recommande la redynamisation de la communication entre les comités mixtes de sécurité et la police pour repérer ces points de vente. Nous demandons aux chefs des quartiers et de la police de bien communiquer et si nous y fournissons des efforts, nous allons traquer ces gens qui font le commerce des drogues. Mettons nos efforts ensemble pour détruire ce réseau de commercialisation des drogues. C'est possible. Les différents noms des drogues cités dans cette réunion du maire de la ville avec les autorités administratives et la police étaient entre autres les drogues injectables, les cocaïnes et le chanvre. Merci, Veteni Jimbere. Une personne est morte et fusillée le soir de ce lundi vers 19h sur la colline Migera de la commune Kabiza en province de Bujumbura. Mais Tusera Naisha, qui était un jeune partisan du parti CNL en commune Kabizi, sa famille déplore ce forfait et demande que justice soit faite. Raphaël Doussabimana, président de ce parti au niveau communal, demande à l'administration de doubler l'effort dans la sensibilisation sur la cohabitation pacifique entre les membres des partis politiques. Néanmoins, Jean-Marie Ndaïchimie, chef de zone Migera de la commune Kabizi, affirme que la cohabitation entre ces membres des partis politiques était bonne en cette localité. Et certains des habitants des différents coins du pays indiquent faire objet d'intimidation de la part des jeunes du parti au pouvoir. Dans l'émission Girichushikije de ce lundi, certains intervenants apprécient les administratifs qui ne cessent d'intervenir pour ramener à l'ordre ceux qui passent outre la loi. D'autres déplorent qu'ils y sont parfois battus par les Imbonerakure sans aucun recours. Suivez-le. L'une des taxis Changuzo en commune Kigamba, les personnes sont toujours battues. Le 14, une personne est tombée dans une embuscade du groupe de jeunes Imbonerakure. Il a été sérieusement battu. Une question jusque-là. Qu'est-ce qui vous indique qu'il s'agit des jeunes? Nous les connaissons parce qu'ils portent l'uniforme de leur parti. Nous apprécions l'attitude de notre administrateur qui leur produit des conseils. Mais ce qui est triste est qu'en date du 15, une autre personne a été battue au point qu'il a porté plainte auprès du procureur. Nous félicitons la justice qui fait son travail, qu'on leur donne des conseils, car nous sommes leurs voisins, afin que la situation ne dégénère. Moi, c'est Jean-Marie de la commune Issale. Je voulais parler sur les élections collinaires du parti CNDD-FDD qui se sont déroulées samedi dernier. Il y a eu des menaces ici à Issale et il était dit que celui qui n'allait pas participer au vote serait tabassé comme si les élections étaient officiellement organisées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les choses ne devraient pas se dérouler ainsi. Je m'appelle Yahaya Ndimugwango de la commune Mwakiro, province Muyinga. Ces jours-ci sont difficiles à vivre. Les jeunes du parti au pouvoir menacent les gens en disant que s'ils gagnent les élections, les opposants seront tués. Ces paroles nous font très peur. Mais qu'est-ce qui vous indique qu'il s'agit de Ils sont souvent au chef-lieu de la commune. L'administrateur ne ménage aucun effort en leur prodiguant des conseils, mais sans succès. Il est débordé. On dirait qu'ils sont au-dessus de l'administration et de la loi, parce qu'ils se vantent qu'ils sont des anciens combattants et menacent qu'ils vont nous tuer. C'était dans l'émission Girichushikirije de ce lundi. Contacté à ce sujet, le porte-parole et assistant du ministre de l'Intérieur nous a indiqué qu'il était en réunion. Et la rédaction de la radio Isanganiro a tenté de rejoindre le parti au pouvoir, mais sans succès. Toutefois, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Variste Ndaïchimie, après le dépôt de son dossier de candidature présidentielle à la Commission électorale nationale indépendante CENI, il a précisé que les jeunes affiliés à ce parti, auteurs de forfaits, sont punis conformément à la loi. Radio Isanganiro, chronique santé. La maladie de l'œil appelée glaucome touche le nerf optique. Elle est due le plus souvent à une augmentation de la pression dans l'œil. Docteur Lévi Kandé, qui est ophtalmologue, précise que la dangerosité de cette maladie est qu'elle n'a pas de symptômes visibles chez un adulte, sauf chez un nouveau-né qui présente des yeux grands. Il ajoute que cette maladie touche beaucoup plus les personnes âgées de 40 ans et plus. On est là, Moutou. Le glaucome est un trouble progressif de l'œil dans lequel les cellules du nerf optique sont endommagées par une pression excessive du liquide contenu dans le globe oculaire. Explication de l'ophtalmologue Lévi Kandeke qui révèle que c'est la deuxième cause de cécité au Burundi après le cataracte et précise toutefois que le patient atteint ne développe pas de symptômes visibles dans les premiers jours. C'est une maladie qui n'a pas de symptômes. Le patient ne développe pas des symptômes visibles, sauf dans des cas particuliers où vous développez un glaucome secondaire ou un glaucome à angle fermé. C'est plutôt rare, il n'y a aucun signe, c'est-à-dire vous perdez la vision périphérique progressivement sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que le moment où vous vous rendez compte que votre œil ne voit pas très bien, c'est déjà très très tard, vous avez perdu plus de 90% de votre vision. Donc vous ne pouvez vous rendre compte d'avoir la maladie que lorsqu'il vous reste uniquement 10% de vision. C'est vraiment dramatique. Cette maladie a une particularité chez le bébé, puisque ce dernier présente des symptômes, ce qui n'est pas le cas chez l'adulte. Le glaucome chez le nouveau-né, c'est quelque chose d'assez particulier, parce que lui, contrairement au glaucome chez l'adulte, il a des symptômes. Et là, on profite de cette occasion pour les citer pour les mamans. C'est souvent des enfants qui naissent avec des yeux très grands. Surtout la partie noire, que vous voyez qu'on appelle la coronée, elle est beaucoup plus grande qu'habituellement. Elle a une couleur un peu pâlote, bleue, blanche, qui vous fait comprendre que l'enfant n'a pas un œil normal. Et c'est des yeux qui larmoient de façon permanent. C'est aussi des enfants qui ont peur de la lumière, c'est ce qu'on appelle la photophobie. Alors le glaucome congénital pour nous, il constitue une urgence. Selon toujours Dr Lévi Kandeke, la cause de cette maladie reste toujours inconnue, mais il précise toutefois qu'il y a une liste de facteurs de risque de la maladie. Le premier facteur, c'est l'âge. C'est-à-dire c'est souvent des personnes qui ont plus de 40 ans qui vont développer la maladie. Le deuxième facteur, c'est une histoire familiale. Si vous avez dans votre famille quelqu'un qui a le glaucome, et comme très souvent chez nous on ne le sait pas, c'est on leur demande aux patients de nous dire s'ils ont quelqu'un dans leur famille qui est aveugle ou qui est mort aveugle, souvent c'est dans le passé. Les autres facteurs sont des facteurs qui sont souvent connus. C'est des gens qui ont une forte myopie, qui développent facilement des glaucomes. Donc c'est des gens, en plus ce sont les plus difficiles à diagnostiquer parce qu'ils ont un aspect d'un nerf optique un peu particulier, difficile à diagnostiquer. Ensuite, les gens qui ont d'autres maladies comme le diabète, les uvéites, les inflammations ou les gens qui ont subi des traumatismes dans un œil sont propices à développer un glaucome. Le traitement et les mesures destinées à prévenir le glaucome, c'est dans la prochaine chronique santé avec l'ophtalmologue Lévi Kandeke. Isanganiro, la radio de l'avenir. Il est 13h10 au studio de la radio Isanganiro. Continuons ce journal. Nous poursuivons la présentation des profils des 6 candidats présidentiels nouvellement validés par la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, on clôture sur Agathon Rwasa. Il est président du Parti Congrès national et pour la liberté qui les présente aux prochaines élections présidentielles. Et actuellement, il est aussi numéro 2 de la Chambre basse du Parlement, Elini Belenibigira. Agathon Rwasa est natif de la province Ngozi. Il est né sur la colline Chiri de la commune Kiremba, c'était le 10 janvier 1964. Il est le fils de Nicodème Ndaruruhire et Thérèse Ndabemeye. Il commence ses études primaires à la succursale de Chiri en 1969, pendant seulement une année, et part à l'école primaire de Kiremba pour terminer ses études en 1977. Il fait ses études secondaires à l'école moyenne pédagogique de Musenyi, puis au collège officier de Muramvya, dans la section des lettres modernes, et obtient le diplôme des humanités générales en 1984. La même année, il fréquente l'université du Burundi dans la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation et reçoit le diplôme de candidature en 1987. Agathon Rwasa passe par après en première licence de cette même université qu'il a réussi, mais interrompt son cursus universitaire en 1988 suite au sillage des événements de Ntege Marangara. Il opte la même année au départ en exil et se consacre aux activités politiques, rejoignant ainsi le mouvement rebelle d'alors, Palpehutu FNL. Il a presté pour son mouvement rebelle, qu'il a aussi dirigé du 23 février en 2000 au 21 avril 2009, date à laquelle il a été transformé en parti politique FNL. Après sa transformation en parti politique, il a été son président jusqu'après les élections générales de 2010. Agathon Rwasa a été sur la liste des candidats aux élections de 2015. Alors, à la tête de la coalition des indépendants Amizero y'Abarundi, il est élu député de la circonscription d'Ngozi, ce qui lui a permis d'être le premier vice-président de l'Assemblée nationale, à côté d'être membre du conseil communal de Kiremba jusqu'à présent. Agathon Rwasa a été directeur général de l'INSS après les accords de cessez-le-feu en 2009. Il est président et représentant du Parti Congrès national pour la liberté depuis sa création en septembre 2018. À côté de ses activités politiques, Agathon Rwasa est passionné du sport, la lecture et la musique. Merci, Eline Ibeni-Wigila. La diminution du chômage, surtout dans les jeunes lauréats des universités, la réduction du prix sur les matériels nécessaires pour les étudiants comme les ordinateurs, telles seraient les premières préoccupations des élus des élections de 2020, souhait de certains étudiants de l'université de Grand Lac en mairie de Bujumbura, Isidore Habonimana. Certains de ces étudiants de l'université de Grand Lac à mairie de Bujumbura qui se sont exprimés sur le micro de la radio Isanganiro veulent que les élus de 2020 prennent en main la question du chômage pour les jeunes. Non, ce est primordial sans avoir du travail après nos études universitaires. Nous voulons que le marché du travail soit favorable et cela encouragera par exemple d'autres générations qui sont derrière nous. Surtout, nous voulons que ces élus de 2020 prennent le devant dans la lutte contre le chômage. Car vous voyez que beaucoup de gens sont dans la rue faute de travail. À côté du chômage, ils souhaitent avoir des matériels nécessaires dont ils ont besoin dans leur apprentissage, comme quoi les machines, ordinateurs. Tel est ainsi au moment où le Burundi tend vers les élections qui se dérouleront dans le mois de mai 2020. Merci Isidore Habonimana. L'école française de Bujumbura est fermée depuis le matin de ce mardi. Les responsables de cet établissement scolaire font savoir qu'ils ont pris cette décision dans le but de prévenir le coronavirus du fait qu'il y a une enseignante de cette école qui était en vacances au Rwanda soupçonnée d'être porteuse de coronavirus. Valence Niyukuri, directeur adjoint de l'école française, indique que ce professeur est en train de subir les tests médicaux tout en précisant qu'ils vont communiquer les résultats d'ici peu avant la réouverture de cet établissement, les détails avec Isidore Bariko. Arrivé à l'école française, se trouvant sur l'avenue Muyinga, tout près de la salle de judo, on est accueilli par le calme. À l'intérieur de cette école, le constat est que toutes les classes sont fermées. Les terrains sur lesquels les élèves de cette école pratiquent différents jeux sont vides. Cette décision de fermer cet établissement a été prise ce matin par la direction de cette école. Même s'il n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros, le directeur adjoint de l'école française a indiqué que cette décision a été prise dans le but de lutter contre le coronavirus. Valence Niyukuri indique qu'il y a une enseignante de cette école qui était en vacances au Rwanda, qui est actuellement soupçonnée porteuse de ce virus du fait qu'elle aurait été en contact avec une de ses amies contaminées résidant au Rwanda. Valence Niyukuri précise que pour le moment, cette enseignante est en train de subir des tests médicaux chez elle, tout en précisant qu'ils vont communiquer d'ici peu son état de santé avant de prendre d'autres mesures. Après l'école française, nous nous sommes rendus à l'école internationale pour se rendre compte des mesures prises par cette école dans le but de lutter contre le coronavirus. Le directeur de cette dernière indique que parmi les mesures qui ont été prises, c'est entre autres se laver les mains avant d'entrer dans cet établissement et demande aux élèves de porter des masques dans leur visage selon leur volonté. Merci. Isine Valiko, les élèves de l'école paramédicale d'Ngozi déplacés vers l'école paramédicale de Gitega peuvent y rester et faire leur examen. Dans une conférence de presse de ce lundi soir, le ministre de la Santé a précisé que sur les 60 personnes en quarantaine, à l'hôtel source d'une île, personne n'a été testé positif. À cela s'ajoutent plus de 200 autres récemment rentrés du Rwanda. Au ministre Tadendi Kumana de souligner que tout passager passant à l'aéroport international de Melkionda Daye doit être dépisté. Mireille Kanyangi. Répondant à la question d'un dépistage de tout passager sans distinction à l'aéroport Melchior Ndadaye, le ministre de la Santé précise que cette opération n'exclut personne, que le service médical affecté à l'aéroport et les agents de l'aviation civile suivent de près les arrivées. Interrogé sur le sort des élèves qui suivaient leurs cours à l'école paramédicale d'Ongozi, aujourd'hui logée à l'école paramédicale de Gitega, le ministre Thaddée Ndikumana souligne que cette école a une capacité d'accueil de 442 élèves, que ceux venus d'Ongozi peuvent donc continuer à faire leurs examens étant à Gitega. Sur les 60 personnes en quarantaine à l'hôtel Source du Nil, le patron du ministère burundais de la Santé annonce que même les médecins suivant ces personnes sont en quarantaine, tout en précisant que la mise en quarantaine concerne seulement ceux qui viennent des pays où il y a le coronavirus, mais qui ne présentent aucun signe de cette maladie. Jusque ce lundi soir, a affirmé le ministre Thaddée Ndikumana, aucun cas de coronavirus n'a été détecté. Merci Mireille Kanyangi, c'est par tes détails que nous mettons en point final à cette édition de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi, merci à Eli Kadogo pour sa collaboration technique. Vestine Boutoué, j'étais à sa présentation, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.